Accroche-toi. Certaines personnes aiment grimper. Elles peuvent grimper sur des rochers. Elles peuvent grimper sur des murs. Cet homme grimpe sur un rocher. Il a une corde, il a un casque, il a des chaussures d'escalade. Cette femme grimpe sur un mur. Elle a une corde, elle a des chaussures d'escalade. Certains animaux aiment grimper. Ils grimpent sur les arbres et sur les montagnes. Les singes peuvent grimper sur les arbres. Cet ours grimpe sur un arbre. Grimpe sur les montagnes. Regardez ces animaux. Ils grimpent. Ils n'ont pas de corde. Ils n'ont pas de chaussures.